à nos deux cesses. Maman, je m'éloigne des drames. C'est tout ce que j'ai pu te faire de mal qui me fait mal. Le cœur s'endurcit, c'est ça de traîner avec les mannes. J'ai peur d'aimer une rose qui pousse sur ma cadam. On veut connaître l'amour une fois qu'on s'éclate en pécane. N'ont jamais tes sentiments, sinon la haine ricane dans une jerrycane. L'essence, les sentiments font d'une cale. Je découvre le divorce en écoutant la boîte vocale. Fais pleurer les youvans, sont d'esclaves. Un cœur de roi, je tutoie la mort. L'amour fait flipper les braves. Ainsi s'achève le temps des rêves. Tout s'achète, même les smacks qui viennent se poser sur tes lèvres. Faudra bien que tu te relèves. Une fois que je te pars d'air, faut que j'arrête la pique grave. J'ai peur d'aimer le derrière. Solitude ronge comme un ver solitaire. Et la peur d'aimer, soldat célibataire. L'amour se ramène, faut ici HLM. Prends mon bouquet de chrysanthèmes. L'extérieur impossible, va une hémorragie interne. Puis t'inquiète, je vais pas te mettre la disquette. C'est la tempête sous nos casquettes. L'amour se trouve pas en discothèque. Ma princesse est simple, j'l'emmène manger des grecs. Bellec, la biatch qui trine dans les restos de la jet set. Smoke, j'me noie dans tes yeux, couleur noisette. Avec un pilon chez moi, on atteint les cieux en période de disette. J'avance mais j'tergiverse. Dès qu'ils annoncent une averse, moi j'veux le soleil sur nos faciès. C'est plein de souffrance, l'amour on tient jamais ses promesses. J'suis seul sur la potence, moi mon Jack Daniels. N2S lance un SOS. J'ai peur d'aimer, la gentillesse n'est pas une faiblesse. J'ai mes doutes, le fil d'une poche, c'est la rupture du couple. C'est un peu douce moment que t'es mon double. Sans toi je m'essouffle, j'ai peur d'aimer la thèse. Nos vies plus souffrent, combien tire par amour. Demande à Florence Ray, j'ai vu le pire quand c'est glamour. Attends que j'arrose de prose, la roserai. Attends que j'pose un dernier sel, je reviens si j'pourrais. Attends que j'esquive le coup près, la névrose, la maison d'Arel. C'est en présent, je le vis intensément. L'amour c'est cruel, insensé, on se déchire tout en s'aimant. Droit dans le mur, aveuglément, j'fonce. À chaque moment, j'ai peur d'aimer. L'amour n'est pas un roman, sans illusion pour les promesses. J'écris, j'texte, le cœur brûlé par le contexte. Des larmes pleines Kleenex. J'ai peur de mes siècles funestes où l'amour et le sexe ne sont que des commerces. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? La mélodie des briques, mec.